Oh yeah, yeah. Dans un quartier rincé, suivez mes sensei. Dans mon rêve US, tu pouvais me pincer. L'histoire tient que je devais ravir un cœur, mais pas le temps, j'étais ce Frenchy entouré de gunners dangereux. Avec mon fil et vis couleur tangerine, j'étais là où les démons bavent et où les anges riment. Je suis parti discret avec un mic de pèlerin. Je savais que je m'élèverais sans faire appel aux benzemains. Lourdement armé dans la caisse à des règles, passé de la rue au studio lorsque j'appuyais play rec. Tout à coup, mon monde s'illuminait avec mes textes bout à bout. C'était la vie et la mort debout qui courait coude à coude. Puis on a écrit à quatre mains, je m'en rejoins. Combien de potes n'ont pas passé les années 80? Quand quelques balles ont sifflé à ça de nous, Jay voulait qu'on se venge et tirer sur ces gars qui priaient à genoux. Là c'était la foi de trop, garder la main sur le métal mais celui du micro. Voilà ma destinée, la vie pourrie, je lui ai serré la pince. Laisser la rue au roi et moi, je suis parti comme un prince. Oh yeah yeah, allez allez. Yeah, yeah, yeah. Il vaut mieux les laisser parler. Oh, oh. Tant qu'on vit, tant qu'on rate. Comme des princes, faut qu'on parle. Maître de cérémonie, j'arrive à fond comme une grosse tornade. Un coup de pioche, on se dépêche, je suis la tempête sur Fortnite. Monter l'échelle, viser haut, revoir nos vies en vidéo. Des fois j'ai été très rapide, sur d'autres je suis doc gynéco. On dit que le sang nous anime, regarde Ayam en témoigne. On se réveille aujourd'hui car on est né sous la même étoile. Il est temps de crier victoire, on m'a dit toi ne lâche pas. La fierté des nôtres, l'armée meurt mais ne se rend pas. On chante depuis le début, si le malheur nous coince, on fera en sorte le situé de partir comme un prince. Premier cancer à New York, un album en 2011. Vu que la vie n'est pas si roche, trouve mes couleurs sur autre chose. Petit frère a déserté, sorti de terrain de jeu. Absorbé par la fumée, caché par un joint de bœuf. On se concentre, on apprend tardivement que ça passe trop vite. Vive le rap à l'ancienne, le futur me rend nostalgique. La tête haute mon pote, aussi tranchant qu'un katana. On a préféré rester humble, hashtag Kendrick Lamar. Basket blanche, respecte l'arche, finirai par Mamma Mia. Je partirai comme un prince, juste avant de danser le Mia. Oh yeah yeah. Allez, allez, oh yeah, yeah. Il vaut mieux les laisser parler. Oh, oh. Tant qu'on vit, tant qu'on rate. Oh, oh, oh. Comme des princes, faut qu'on parle. Nos convictions sous le bras, on continue à tracer. Et n'en déplaise aux étiquettes, on continue à blesser. Ouais, jette un œil sur tout ce public, on continue à peser. T'inquiète, on rate pas l'essentiel, on continue à kiffer. Toujours la même ligne de mire que ces mômes pleins de rêves. Parti du métro, sans ticket vers le monde. La quête reste indemne, aucun corps sous les décombres. Cherche-nous là où le sang brise les codes, là où l'âme demeure une place forte. Chacune de nos phrases porte une charge pleine de rage de vie. Des tonnes de larmes, des kilos de pages sous le néon. Noirci jour après jour, ça doit être ça l'amour. Après 30 ans de vie commune, on n'a toujours pas fait le tour. Et c'est comme ça qu'on l'aime, fier, beau mais sans concession. Une rose qui germe dans nos têtes, rasée mais qui pousse sur le béton. Crois-nous si on te dit qu'on porte notre art à bout de lance. C'est sûr, venu à poil, on repartira comme des princes, ouais. Oh yeah, yeah. Allez, allez, oh yeah, yeah. Il vaut mieux les laisser parler. Oh, oh. Tant qu'on vit, tant qu'on rate. Oh, oh, oh. Comme des princes, faut qu'on parte. Oh yeah, yeah. Allez, allez. Oh yeah, yeah. Il vaut mieux les laisser parler. Oh, oh. Tant qu'on vit, tant qu'on rate. Oh, oh, oh. Comme des princes, faut qu'on parte.